La tranquillité. Cet entretien fut coupé par un interrogatoire, suivi d'une conférence avec l'avocat chargé de la défense. Il y a meurtre, et meurtre avec préméditation, dit Julien au juge comme à l'avocat. J'en suis fâché, messieurs, ajouta-t-il en souriant, mais ceci réduit votre besogne à bien peu de choses. Après tout, se disait Julien, il faut que je sois brave, et apparemment plus brave que ces deux hommes. Ce jour-là, Fouquet et Mathilde, ayant voulu lui apprendre certains bruits publics fort propres, selon eux, à donner des espérances, Julien les avait arrêtés dès le premier mot. « Laissez-moi ma vie idéale. Vos petites tracasseries, vos détails de la vie réelle, plus ou moins froissants pour moi, me tireraient du ciel. » Il passait ses dernières journées à se promener sur l'étroite terrasse au haut du donjon. Sa pensée était à Vergy. Jamais il ne parlait de Madame de Rênal à Fouquet, mais deux ou trois fois, cet ami lui dit qu'elle se rétablissait rapidement, et ce mot retentit dans son cœur. Pendant que l'âme de Julien était presque tout entière dans le pays des idées, Mathilde, occupée des choses réelles, comme il convient à un cœur aristocrate, avait su avancer à un tel point l'intimité de la correspondance directe entre Madame de Fervaques et Monsieur de Frilair, que déjà le grand mot « évêché » avait été prononcé. Le vénérable prélat chargé de la feuille des bénéfices ajouta en apostille à une lettre de sa nièce « Ce pauvre Sorel n'est qu'un étourdi. J'espère qu'on nous le rendra. »